Le séminaire sur les idées littéraires du JT, consacré au 80e anniversaire de la première représentation de la pièce de théâtre « Mère de sang » que le président Kim Il-sung avait mise en scène en personne en Manjiang pendant la lutte armée anti-japonaise, a eu lieu le 17 courant au Grand Théâtre de Pyongyang. Y ont pris part Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres intéressés, les créateurs, les artistes, les journalistes, les rédacteurs, les enseignants, les chercheurs et les étudiants des établissements de la science et de l'enseignement. Les orateurs y ont indiqué comme ce qui suit. La portée historique de cette pièce de théâtre « Mère de sang » montée en août de l'an 25 du juillet 1936 à Manjiang du district de Fuson, Chine, sous la direction du camarade Kim Il-sung, c'est d'avoir appris la vérité que la lutte est le salut pour le peuple et de l'avoir appelé à la lutte sacrée pour la libération de la patrie. Le général Kim Jong-il a bien conduit à adapter les œuvres classiques dans diverses formes de la littérature et des arts et a créé le vrai exemple de la littérature et des arts du jeté.